à l'occasion du premier anniversaire de la promotion du maréchal Kim Jong-un au poste de président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, se sont déroulés des rassemblements commémoratifs, conférences, expositions de livres et de photos et séances de films en Népal, au Bangladesh, en Islande, en Espagne, au Bénin et au Nigeria. Dans les salles de cérémonie, étaient exposées les photos montrant les exploits du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du dirigeant suprême Kim Jong-un, ainsi que les livres et photos présentant la réalité de la Corée de Songun. Aux séances de films, on a projeté les documentaires coréens comme Palais des sciences et techniques.